eine Kultur in dem Schlüssel Chanson des mains, les arcs sous le pantin, vidé de son sang, trempe mort. Une brume succombe, la licence sans arrêt, traînée par tout ce que l'ombre. En danse le bout le monde, embrasse son esprit, sur le chemin de sa tombe, lèvres en chanson. Coupé de plumes pays, dans l'obscur sorcière, tout s'absente horrifique, se fait par la vie. Il regarde la foule pour son patron, pour au final frissonner sur cette pâle corps de mort, taillé sur le pâle de sa vie. Ce bruit silencieux admire, l'âme se reste dans le condamné, le même qui vient de la terre, sans se faire. Thank you.